بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دراستنا في سيرة نبي الله داود عليه السلام من سيرة الأنبياء. Et on va continuer, inshallah, sur l'étude de l'histoire de Daoud alayhi salam, ce prophète qu'Allah jalla wa ala a envoyé aux hommes. Et donc Allah jalla wa ala a choisi Daoud et lui a donné la prophétie. Il lui a donné ce bienfait de la prophétie. Donc la fois dernière, dans la dernière assise, on a dit qu'on allait commencer justement, on avait commencé à étudier certains faits, événements, ainsi que les vertus et les mérites et les faveurs de ce prophète Daoud alayhi salam. Et donc, نواصل دراستنا في سيرة نبي الله داود. Et on va continuer, inshallah, sur l'étude de certains événements et les vertus aussi, comme on a dit précédemment, de Daoud alayhi salam. Donc, Daoud, parmi ses caractéristiques, ses particularités, ses spécificités, c'est qu'Allah jalla wa ala lui avait donné deux choses très importantes. Parmi les choses, en l'occurrence, le pouvoir et la prophétie. Donc Allah Jalla wa Ala l'a comblé de ce bienfait, il lui a octroyé al-mulk wa an-nubuwa. Al-mulk wa an-nubuwa. Donc c'est pour cela que le prophète Daoud s'est distingué du fait qu'il a rassemblé entre ces deux choses, entre la prophétie et le pouvoir. La prophétie et le pouvoir. Et donc vous comprenez bien que les prophètes à qui Allah Jalla wa Ala a octroyé le pouvoir, les a comblés de ce bienfait-là, les gens ne pouvaient les traiter de poètes fous, d'ensorcelés, de magiciens, d'imposteurs, de menteurs. Et donc, Daoud a eu ce privilège de détenir aussi bien le pouvoir que la prophétie. Donc Allah aussi a mis la prophétie. Et on verra aussi que cela sera le cas de son successeur, de son fils, de son descendant, Suleyman alayhi salam. Suleyman alayhi salam. Et lui, Daoud, faisait partie des prophètes à l'époque de Banu Israël, des enfants d'Israël, de Banu Israël. Donc les descendants du prophète Ibrahim alayhi salam, comme on avait mentionné cela dans les assises précédentes. Et donc de la descendance de Ishaq, la descendance du fils Ishaq. De Ibrahim alayhi salam. Ensuite, Ishaq, on avait dit qu'il y avait Yaqub. Après Yaqub, parmi les enfants de Yaqub, Yusuf. Yusuf qui fut prophète. Donc, on avait dit que Allah Jalla wa Ala avait mis la prophétie dans la descendance du noble prophète Ibrahim alayhi salam. Donc, ensuite, il a eu son fils Ishaq. Ensuite, il y a eu Yaqub ou Yusuf. Et tous étaient des prophètes. Des prophètes. Et donc Allah Jalla wa Ala a mis la prophétie dans la descendance d'Ibrahim. Et donc ensuite, avec les descendants de ses descendants, plus tard, il y eut justement le prophète Moussa, alayhi salam, Moussa wa Haroun, et plus tard, le prophète Daoud. Le prophète Daoud et Suleyman. Donc ils font partie justement de la descendance de Ishaq, fils de Ibrahim alayhi salam. Et donc lui, Daoud, naquit à l'époque de Banu Israël. C'est pour cela, avant lui, il eut des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il est dit que Banu Israël, les enfants d'Israël, ont eu beaucoup de prophètes et de messagers. Beaucoup de prophètes et des messagers. Et d'ailleurs, il est dit que les prophètes, c'est eux qui dirigeaient les Banu Israël. De sorte qu'ils les guidaient et c'est eux qui géraient leur affaire, c'est eux qui garantissaient l'affaire de Banu Israël à leur époque. Et donc cela, il est rapporté aussi, certains spécialistes exégètes rapportent que lorsqu'un prophète de Banu Israël s'en allait, décédait, alors venait ensuite un autre prophète. Allah leur envoyait un autre prophète. Et comme cela, ces prophètes-là garantissaient justement les affaires du peuple d'Israël par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsqu'Allah jalla wa ala leur envoyait un prophète, ensuite venait Ensuite, son successeur, un autre prophète, venait à eux. Donc, il y a eu de nombreux prophètes qui ont été envoyés à l'époque à Banu Israël, aux enfants d'Israël. Et en l'occurrence, il y a eu ce prophète Daoud, alayhi salam, le prophète Daoud. ولذلك يقول الله عز وجل في كتاب الكريم ولقد آتينا داود منا فضلا Mais Daoud avait une particularité. Daoud avait un mérite. Il avait cette particularité par rapport à d'autres prophètes qui l'ont précédé des enfants d'Israël, hein, de Banu Israël, le fait qu'Allah Jalla wa'ala lui a donné la royauté, le pouvoir et la prophétie. Et parmi les vertus et les mérites de Daoud, comme cela nous est mentionné dans des textes, comme on l'avait mentionné aussi dans la dernière assise, Allah Jalla wa'ala lui avait accordé cette facilité de lire le livre. Et comme nous dit le prophète, ensemble dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, le prophète disait « Khufifa ala Daoud al-Qur'an » et il a été facilité, la lecture du Qur'an avait été facilitée à Daoud alayhi salam. De sorte que lorsqu'il ordonnait qu'on selle sa monture, son cheval, alors le temps qu'on lui selle sa monture, alors il avait le temps de lire Al-Qur'an. Et on avait déjà mentionné que les exégètes ont expliqué le sens dans ce récit du Qur'an. Certains ont dit le sens, le murad ici, c'est At-Tawrah. Cette Torah, c'est la Torah. Et d'autres ont dit c'est Az-Zabur. Az-Zabur, les psaumes, ce qu'on appelle les psaumes de Daoud. Daoud, connu dans une autre langue par David. Par David. Daoud, dont les psaumes de Daoud. Al-Muhim, l'important ici, c'est que ce que le prophète ensemble nous enseigne, c'est que parmi les particularités, c'est que Daoud, Allah Jalla wa'ala, lui avait facilité la lecture du livre. Et donc, dans cet intervalle qu'on scelle sa monture, pendant son temps, il avait le temps, alors qu'on commence à sceller sa monture, et pendant qu'on scelle sa monture, lorsqu'ils avaient terminé de sceller la monture, lui, il avait le temps de lire tout le livre comme cela est rapporté. Et à la fin du récit, le prophète sallam nous dit « Wala ya'kul illa min amali yadi ». « Wala ya'kul illa min amali yadi ». Et le prophète nous dit que le prophète Daoud, alayhi salam, que la paix soit sur lui, ne mangeait que de son propre labour, de ce qui provenait du travail, de son propre travail, de ses mains, de ce qu'il avait gagné de ses propres mains. Et ça, ça fait partie des particularités de Daoud. Malgré, comme on l'a dit précédemment, le prophète Daoud, Allah Jalla wa'ala, lui avait donné, octroyé le pouvoir. Mais ce qui nous est rapporté, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le mentionne dans le récit, ce qui était célèbre aussi de Daoud, c'est qu'il mangeait de son propre travail, de ce qu'il avait travaillé, de ses propres travails, de ses propres mains, de son propre labeur. Et ça, ça fait partie des bonnes qualités. Le fait que malgré que le pouvoir lui avait été octroyé, malgré qu'il avait la prophétie, mais il travaillait pour justement gagner sa vie. ولهذا يقول الله عز وجل في كتاب الكريم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد. Et dans le Coran, Allah Jalla wa'ala, après qu'il nous dit qu'il a octroyé à Daoud la faveur, le bienfait, Ya jibalu awibi ma'ahu wa tayr, et Allah nous dit wa alanna lahu al-hadid. Et donc Allah avait adouci le fer pour Daoud. Donc Daoud avait, comme on l'avait mentionné dans la dernière assise, on avait terminé sur cela, c'est que Daoud avait une facilité de travailler le fer. Pour lui, le fer, il avait été adouci. Donc, parmi ses particularités, c'est qu'Allah, Jalla wa'ala, il nous dit dans le Coran, « Wa alanna lahu al-hadid ». Et nous avons adouci pour lui al-hadid, le fer, comme s'il était ramolli pour lui. De sorte que Daoud pouvait travailler le fer d'une manière très aisée et d'une manière très simple. Et justement, le travail du fer avait été facilité pour lui, puisque Allah Jalla wa'ala avait fait que le fer soit adouci pour lui, en quelque sorte ramolli. Ainsi, il est rapporté que Daoud est le premier à avoir fabriqué des cuirasses en fer, des sortes d'armures. Daoud, il est rapporté que c'est le premier à avoir fabriqué des armures et des cuirasses en fer, du fait que ce fer lui avait été adouci. Et donc c'est pour cela qu'on avait dit que Al-Hassan al-Basri wa Qatada wa al-A'mash, il est rapporté qu'il disait que ce fer qui lui était adouci de sorte qu'il pouvait le travailler sans feu et sans marteau. Sans feu et sans marteau, ça c'est une explication qui a été donnée à cela. Et donc lui, comme certains rapportent, certains spécialistes rapportent qu'il donc fabriquait des armures en fer et les vendait. Et aussi les vendait et travaillait cela. وقد ثبت في الحديث أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده كان يأكل من كسب يده. Et dans un hadith, il nous est confirmé, un hadith qui remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la meilleure des nourritures de l'homme, c'est ce qu'il a gagné de ses propres main. Et le prophète dit wa anna nabi Allah Daoud, et le prophète d'Allah Daoud, il mangeait de ce qu'il gagnait de ses propres mains. De ses propres mains. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et donc, ça revient aussi au récit qu'on a mentionné tout à l'heure, le hadith d'après Abu Huraira, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith, « Wa la ya'kul illa min amali yadi. » Et Daoud ne mangeait aussi que de son propre travail, de ce qu'il avait gagné de ses propres mains. Et ce récit aussi est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Et donc ça faisait partie des mérites de Daoud alayhi salam. وكان لداود جهود كبيرة في طاعة ربه عز وجل كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Et ce qui est connu de Daoud aussi parmi ses mérites, c'était un grand dévot, un grand adorateur. Un grand adorateur. Jusqu'à ce qu'il s'est distingué. S'est distingué. Et on va voir à travers des textes que vraiment Daoud était un exemple même de ferveur, de dévotion. Et de constance dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit « I'amalu ala Daoud ashukra » Ô vous les gens de la famille de Daoud, œuvrez en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala « wa qalilun min ibadi ashakur » Et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants, font partie de ceux qui remercient. Et dans un hadith, justement le prophète Assam nous dit « Ahabbu siyam ilallahi siyam Daoud » Le meilleur des jeûnes du siyam auprès d'Allah, c'est le siyam de Daoud. Donc regardez ce mérite qu'a eu Daoud. Le meilleur des jeûnes, c'est pour ça qu'on avait dit que le jeûne de Daoud, par exemple, est célèbre, le jeûne qu'on appelle le jeûne de Daoud. Et on disait que Daoud était célèbre pour prier la nuit et jeûner la journée, jeûner la journée. Donc il était connu pour sa dévotion, pour sa soumission, pour sa constance et sa ferveur dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que c'est un bon exemple. Et il est bon de lire dans la vie de Daoud, surtout en ce mois béni du mois du Ramadan. Ce mois de qiyam où les gens s'efforcent de prier Allah subhanahu wa ta'ala et de veiller la nuit pour prier. Ce mois de jeûne aussi où les gens jeûne la journée. Donc c'est un mois de prière, c'est un mois de jeûne, c'est un mois d'invocation. Et parmi les grands exemples, parmi les prophètes et les envoyés, le prophète Daoud est un grand exemple en matière d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du fait qu'il s'est distingué dans sa manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, ce prophète avait de nombreuses vertus. Aussi bien il avait la vertu d'être prophète, Allah Jalla wa'ala a mis la prophétie, il lui a octroyé, il lui a donné la prophétie, le pouvoir, il lui a donné al-hikma, comme cela est dit, wa fasl al-khitab, l'art aussi de juger, lorsque les gens étaient dans des conflits, en discorde, lorsqu'il y avait des affaires conflictuelles entre les gens, eh ben Allah Jalla wa Ala avait donné justement cette capacité à Daoud de pouvoir juger entre les gens, comme on le verra dans ce qui va suivre. Et à son époque, les gens venaient à lui justement lors de leurs affaires pour qu'il juge et apporte un jugement. Et Daoud jugeait entre les gens justement lorsqu'il y avait matière à conflit. Et on verra ça dans ce qui viendra, biznillah. Et donc parmi les mérites aussi de Daoud, alayhi salam, c'est qu'il était constant, ou plutôt connu pour sa constance dans l'adoration d'Allah. Et donc son jeûne s'est distingué. Le jeûne de Daoud s'est distingué. Cela ensuite a été nommé le siyam de Daoud. Le siyam de Daoud. Et le Nabi sallam nous dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله الصيام داود. Et pour ça le prophète disait, le meilleur des jeûnes auprès d'Allah, Le plus aimé, ahab as-siyam ila Allah, siyam Daoud, était le jeûne de Daoud. Wa kana yasum yawman wa yuftir yawman. Pourquoi? Parce que Daoud, lui, son jeûne, c'était qu'il jeûne un jour et il rompt un autre jour. En quelque sorte, il jeûnait un jour sur deux. Et donc, regardez, Daoud, comment il était dévot, c'était un adorateur, il jeûnait un jour sur deux. Il jeûnait un jour et l'autre jour, il rompait plutôt son jeûne. Et ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas par rapport à son jeûne seulement Daoud s'est distingué, mais aussi par rapport à sa prière. Puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit aussi, wa ahabbu salat ila Allahi salat Daoud. Et la meilleure, la plus aimée des prières auprès d'Allah, c'est la prière de Daoud. C'est la prière de Daoud. Regardez, même avec cette prière, il s'est distingué. De sorte que le Nabi sallam qal kana yanam nisf al-layl wa yaqum thulutha wa yanam sudusa. De sorte que il est rapporté, le prophète sallam nous dit que Daoud, il dormait la moitié de la nuit. Ensuite, il se levait le tiers. Il se levait pour prier le tiers wa yanam sudusa et dormait le sixième de cette nuit. Et donc, vous voyez que Daoud était connu aussi parmi ses pratiques, c'est qu'il se levait chaque nuit et il priait. Il priait Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte que, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur des jeûnes, le plus aimé des jeûnes auprès d'Allah, c'est le jeûne de Daoud. Kana yasum yawman wa yuftir yawman. Et la prière la plus aimée auprès d'Allah, c'était la prière de Daoud. C'était la prière de Daoud. Et donc là, c'est un mérite qui est immense, qui est immense. Parmi les choses dont s'est distingué aussi le prophète Daoud, dont s'est distingué le prophète Daoud, c'est que lorsqu'il lisait, il nous est rapporté que lorsqu'il lisait le livre, alors les oiseaux venaient glorifier Allah. Et il disait que les oiseaux alors s'arrêtaient, alors qu'ils étaient dans le ciel, dans les airs, hein, ils s'arrêtaient et ils écoutaient. Et ils écoutaient la récitation de Daoud. Jusqu'à même qu'il ait dit que même les bêtes féroces, lorsqu'elles écoutaient, ils entendaient la récitation de Daoud, alors elles venaient s'arrêter et écouter la récitation de Daoud. Jusqu'à même qu'il nous ait mentionné parmi les choses qu'Allah Jalla avait octroyées à Daoud, c'est que les oiseaux glorifient Allah avec Daoud ainsi que les montagnes. Ainsi que les montagnes glorifiaient Allah subhanahu wa ta'ala avec Daoud. Et donc, c'est pour cela que Daoud, comme on l'a dit, Allah Jalla wa'ala lui avait donné une très très belle voix. Une voix exceptionnelle. Et donc, il avait une manière de réciter le livre qui était exceptionnelle. Aussi, il avait une voix aussi forte que qui pouvait s'entendre. Une voix forte qui pouvait s'entendre à des distances. وكذلك من فضائل داود كما ذكرت في كتاب الله في القرآن أن الله جل وعلا أخبرنا بأن داود قتل جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Et donc parmi aussi les mérites, parmi les choses dont nous a informé Allah جل وعلا à son sujet, est que Daoud, c'est lui qui avait tué Jalout, qui est connu dans d'autres langues comme étant appelé Goliath, comme étant appelé Goliath. Et justement, cette histoire est mentionnée dans le Coran. Donc, il y a un passage dans le Coran, en l'occurrence dans sourate al-Baqara, dans la sourate al-Baqara, où il y a allusion à cette histoire et mention, évocation de cette histoire. En l'occurrence, il est rapporté, les historiens nous rapportent que Jalout, qui est connu sous le nom de Goliath, était un roi craint à son époque. Un roi que les gens craignaient à son époque et qui était doté d'une force aussi. Et donc qui avait une armée qui était dotée d'une force. Et ensuite, alors que les enfants d'Israël devront combattre Jalout. Et donc les enfants d'Israël auront l'ordre de combattre Jalout. Et de là, il y a cette histoire qui est mentionnée dans le Coran, lorsqu'Allah Jalla wa'ala nous dit « Alam tara ila al-mala'i min bani Israël » من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Et là, Allah Jalla Wala nous dit dans ces versets, connais-tu l'histoire? Connais-tu l'histoire de ces notables des enfants d'Israël qui allèrent trouver, après la mort de Moussa, un de leurs prophètes pour lui dire, Ibath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Et là, il nous a rapporté dans cette histoire que les enfants d'Israël, donc, sont allés voir leur prophète, ont demandé à leur prophète de leur désigner qui leur désigne un roi. Et comme on l'avait cité précédemment, donc ici, les prophètes régissaient justement les affaires des enfants d'Israël à l'époque. Et donc, ils ont demandé à leur prophète de leur désigner un roi. Et ça, c'était, comme il est dit, Minbar di Moussa, c'était bien après Moussa alayhi as-salam. Et donc ensuite, il nous est rapporté dans cette histoire, qui est relatée à travers ces versets dans la sourate Al-Baqara, qu'Allah Jalla wa Ala nous dit, après qu'ils aient dit, désigne-nous un roi sous les ordres duquel nous irons dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Et là, leur prophète leur dit, oui, Allah Jalla wa Ala vous a envoyé Talut comme roi. Donc ensuite, il avait désigné Talut comme roi, Malikan pour eux. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من ولم يؤت ساعة من المال. Alors ensuite, les enfants d'Israël se sont offusqués, ils ont dit, mais comment est-ce que Talut, lui, pourrait être roi sur nous, alors qu'on est meilleur que lui, et il n'a pas d'argent, et il est pauvre. Alors ils dirent à leur prophète, Qalu, lorsque leur prophète leur a dit que Allah, Jalla wa Ala, leur avait donné Talut comme roi, et avait donné l'ordre que Talut soit leur roi. قالوا فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي الملك من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Et donc là, lorsqu'ils disent qu'ils étaient plus en droit que lui d'avoir ce pouvoir, la royauté, et que lui n'avait pas d'argent. Et là, leur prophète leur a répondu, Allah l'a choisi. Allah l'a choisi. C'est-à-dire qu'Allah, Jalla wa Ala, avait choisi et élu Talut pour qu'il soit ensuite leur roi. Et il l'a préféré à vous tous, et il l'a favorisé en science et en force physique. Et donc, on voit à travers ces versets qu'Allah, Jalla wa Ala, avait favorisé Talut, que ce soit du côté scientifique, au niveau du savoir, Allah Jalla wa Ala l'avait favorisé à eux au niveau du savoir, et aussi en force physique. Et Allah Jalla wa Ala nous dit dans le verset, car Allah donne le pouvoir à qui il veut, subhanahu wa ta'ala, car il est Allah, wallahu wasi'un alim. Allah est celui qui détient cette science infinie. ثم قال نبيهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit que leur prophète leur dit, et le signe de son investiture sera le retour de At-Tabut, ce qu'on appelle la boîte, qui sera portée par des anges, contiendra en guise de réconfort de la part de votre Seigneur des reliques abandonnées ou laissées par Moussa et Haroun. Donc des traces laissées par Moussa, des effets par la famille de Moussa et de Haroun. C'est là un signe pour vous, pour peu que vous soyez des croyants sincères, une traduction relative, rapprochée de sens de ces versets. Et donc ainsi, on comprend après l'étude de ces versets, comme nous est relaté dans le Coran, donc Talut ensuite fut leur roi. Et de là ensuite, les enfants d'Israël devaient partir avec Talut, justement à la rencontre de Jalut. De Jalut plus tard, donc ils vont ensuite avec Talut rencontrer Jalut, Goliath. Et de là, il nous est mentionné dans ces versets que leur prophète leur dit, et les signes de son investiture, qui deviendra roi et qu'il aura le pouvoir sur vous, sera la venue de At-Tabut, de ce qu'on appelle et ce qui est mentionné dans le Coran, At-Tabut. Et At-Tabut, vous pouvez retrouver dans les anciens livres, que les gens du livre, que ce soit dans la Torah, vous allez retrouver que Les gens du livre parlent de At-Tabut. Il y a beaucoup d'informations au sujet de At-Tabut, de cette boîte-là. Pourquoi? Parce que cette boîte, il est dit, des historiens rapportent, et vous pouvez retrouver dans les livres, lorsqu'ils parlent de At-Tabut, c'était une boîte qui était que gardaient les enfants d'Israël. Et dans cette boîte, il est dit qu'il y avait des effets, des traces, des choses qu'avaient laissé Moussa ou Haroun. En l'occurrence, il est dit que dedans, il y avait le bâton, le célèbre bâton de Moussa. Il est dit que certains historiens disent que, spécialistes disent qu'il y avait, par exemple, la Torah authentique, la Torah dans cette boîte, dans ce tabout. Et donc, ce tabout, il y a beaucoup d'informations citées par les gens du livre. Pourquoi? Parce que pour les enfants d'Israël, ce tabout était quelque chose de très important. Et à chaque fois qu'ils allaient en expédition, il est rapporté par certains historiens qu'ils prenaient ce tabout et ensuite Allah leur accordait la victoire. Mais plus tard, ils ont perdu ce tabout. Plus tard, ils ont perdu ce tabout, cette boîte-là qui était vraiment précieuse, c'était un trésor pour les enfants d'Israël. Et plus tard, elle leur fut enlevée et ils perdirent ce tabout. Donc, ils n'étaient plus en possession du tabout. Certains historiens disent que ce tabout-là, cette boîte-là, elle était héritée à chaque fois d'un prophète à un autre. À chaque fois qu'un, depuis Adam, un prophète avait ce tabout, et ensuite le prophète qui venait après héritait de cette boîte-là, de ce tabout, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles furent arrivées aux enfants d'Israël, et ensuite, au bout d'un certain moment, ils perdirent ce tabout, cette boîte-là. Donc ils étaient toujours à l'entente de ce tabout. Mais, comme on l'a dit précédemment, beaucoup de choses qui sont dites autour du tabout, c'est rapporté par les gens du livre. Et généralement, vous allez même retrouver dans les livres de Tafasir, d'exégèse du Coran, où les savants, souvent les informations qu'ils rapportent sur ce tabout, ils le prennent des récits, ce qu'on appelle israélites. Des récits du temps des enfants d'Israël. Du temps des enfants d'Israël. Donc, ce sont des récits rapportés, mais il n'y a rien vraiment de authentique vraiment sur tout ce qui est rapporté à cela. Ce qui est clair, c'est que ce tabout, c'est que dans le Coran, il est mentionné. Dans le Coran, le tabout, donc, elle est mentionnée. Et donc, je disais précédemment que la majorité des informations qu'on a viennent de récits provenant des Banu Israël. Donc Allahu A'lam, et seul Allah est savant concernant l'authenticité de la non-authenticité. Wallahu A'lam, et seul Allah est savant. Et c'est pour ça qu'on retrouve que des compagnons parfois reprenaient et informaient au sujet du tabout par rapport à des récits anciens, des gens du livre, par rapport à des récits de Banu Israël, par exemple. C'est pour cela que, comme je vous disais précédemment, dans les Kutub al-Tafsir, on voit beaucoup d'informations autour de ce tabout qui sont rapportées dans les livres de Tafsir, qui sont liées à des récits de Banu Israël. Des récits de Banu Israël, Wallahu A'lam, sur l'authenticité, comme on a dit précédemment. Ce qui est sûr, c'est que la mention qu'on a dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, sur ce tabout, c'est qu'il y a des effets, des traces qu'ont laissé Moussa et Haroun. C'est mentionné dans le verset. Et des exégèses disent donc ce qu'il y avait dans le tabout, le bâton de Moussa, alayhi salam, avec des effets. Et en l'occurrence, certains ont dit par exemple la Torah authentique et autres. Et autre. Ce qui est sûr aussi, ce qui est mentionné dans le verset, c'est qu'elle fut portée par les anges. Qu'elle fut portée par les anges. Qu'il y a une sérénité, comme c'est mentionné dans le verset. Fihi sakinatun. Et autres. Donc ça, c'est des choses qui sont mentionnées dans le verset. Ensuite, les savants ont discuté autour de certaines questions. Tout le temps où le tabout s'était perdu, où les Banu Israël avaient perdu le tabout qu'elle aurait été prise, où était le tabout? Donc certains savants ensuite ont émis des avis sur ça et ont discuté sur ces questions. Al-Muhim, c'est que le signe de Talut, de sa royauté, c'est qu'il allait avoir le tabout, justement, tant attendu par les enfants d'Israël. Cette boîte-là, qui était tant attendue par les enfants d'Israël, et là, c'était un signe pour eux. Ensuite, donc, les enfants d'Israël s'en iront avec Talut, à la rencontre plus tard de Jalut, de Goliath, et là, il y aura cette rencontre. Et un jeune se distinguera, Et donc, il y aura l'histoire, on la continuera, Inch'Allah, la fois prochaine. Un jeune se distinguera, sortira du rang et tuera Jalout, tuera Goliath. Et c'était Daoud. C'était Daoud. C'est pour cela qu'ensuite, par rapport à cet événement et ce fait, Daoud deviendra un héros, une sorte de héros chez les enfants, chez les Banu Israël. Et il sera aimé. Il sera tellement aimé. Et c'est pour cela que plus tard, ensuite, il deviendra bah, justement l'un de leurs rois. L'un de leurs rois, et il recevra la prophétie, recevra la prophétie. Beaucoup de savants sont d'avis que le plus juste, cela se fera après la mort de Talut. Donc après la mort de Talut, lui succédera, deviendra le roi Daoud, alayhi as-salam, et on reviendra en détail sur cela dans la prochaine assise, si Allah nous le permet. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in.